chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Dolbeau-Mistassini et Normandin. Ça fait longtemps que je voulais parler d'avoir des nouvelles de Shane Gauthier. On sait qu'il avait été blessé pour une période de 6 semaines en début de saison. Mais là, les Bombers vont très bien. On a vu lors du récent passage des Bombers à Montréal comment les unités spéciales, ça travaille bien. Et question de savoir un peu comment ça va. On lui parle. Salut Shane! Salut! Shane, effectivement, d'abord, t'as été blessé. Puis je vais être honnête avec toi. Quand tu m'as annoncé que tu avais été blessé pour 6 semaines, je dis pas encore. Puis là, tantôt, ça peut être même dangereux pour son poste parce que tu avais été blessé l'année passée. Déjà, je trouvais que tu aies gagné un poste, c'était déjà très bon cette année. Puis tu te reblesses encore. Mais là, tu m'as dit avant de rentrer en onde que ça va bien, là, finalement. Oui, oui, ça va bien. C'est pas le même genre de blessure que l'année passée. Puis les entraîneurs, ils ont été clairs avec moi au début que. Ces 6 semaines-là étaient nécessaires pour ma guérison, puis que ne pas être stressé avec ça, qu'il y avait confiance en moi pour la suite des choses après. Là. Ça a dû te soulager. Si moi je t'inquiète, toi t'as dû être inquiète aussi. Ça a dû te soulager quelque part, là. Ouais, c'est certain que tu y penses un petit peu, mais faut que tu vives dans ce monde-là. Au fond, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis, finalement, j'ai eu des bons commentaires quand même. Puis ça a bien fini toute cette histoire-là. OK, OK. Hey, les Bombers, moi, je suis honnêtement surpris. Je m'attendais, moi, que l'Est allait être beaucoup plus fort que le West cette année avec l'arrivée de Trestman. Je pensais que les Alouettes allaient montrer une équipe meilleure que ça. Mais on voit encore une fois cette année que c'est encore dans l'Ouest que les bonnes équipes sont. Parle-moi des Bombers de Winnipeg. Ils sont menés par Reid Nichols, le carrière qui est vraiment extraordinaire. Mais il faut dire que Mike O'Shea, à la part des Bombers, fait tout un travail aussi. Oui, c'est certain. On a eu un retour de beaucoup de vétérans de l'an dernier. Le noyau qu'on avait l'an dernier, quand ça s'est mis à bien aller, il est toujours présent cette année. Mais là, on a comme une longueur d'avance un peu sur l'année passée. Fait qu'on est capable de closer plus les matchs qu'on a pu voir pendant la première partie de saison. Puis on va essayer de continuer dans cette direction-là. OK, OK. Toi, depuis que tu es revenu de ta blessure, ça va bien aussi? Oui, ça va bien. Je joue sur les 4 principaux unités spéciales. Les coachs sont super contents. Personnellement, je trouve que j'ai quelques trucs à travailler, mais j'ai encore du temps là, pour m'appliquer puis mettre un petit peu plus d'effort sur ces trucs-là. Je pense que je vais avoir une bonne fin de saison. Est-ce que tu joues un petit peu sur ta position d'ailier défensif ou tu es vraiment sur l'unité spéciale? Ouais, je suis juste sur l'unité spéciale présentement. Ils ont tout le personnel nécessaire pour les autres positions. Fait que moi, je suis très à l'aise avec ça. L'unité spéciale, c'est une grosse phase de jeu pour la Ligue canadienne. Alors, je me concentre là-dessus puis j'accepte mon rôle comme il est. Là, okay. là on dit que dans la Ligue canadienne de football, la mi-saison, la vraie saison commence après le Labor Day, donc la fin du travail. Comment tu entrevois la fin de saison des Bombers de Winnipeg? Ah, je pense que dans l'Ouest, ça va être la guerre. Honnêtement, toutes les équipes peuvent remporter des matchs dans l'Ouest. Je pense que ça va être une grosse fin de saison, puis je pense que ça va être serré jusqu'au dernier week-end. OK. Ben Shane, je suis bien content de savoir que ça va super bien, que depuis que tu es remis de ta blessure à 100%, puis on va suivre les activités des Bombers de Winnipeg, tout comme des Alouettes, c'est la fin de l'année. Parfait, merci. De Dolbeau, Mistassini, Shane Gauthier qui s'aligne avec les Bombers de Winnipeg.